Poème 53. Le crapaud. Que savons-nous? Qui donc connaît le fond des choses? Le couchant rayonnait dans les nuages roses. C'était la fin d'un jour d'orage, et l'Occident changeait l'ondée en flamme en son brasier ardent. Près d'une ornière, au bord d'une flaque de pluie, un crapaud regardait le ciel. Bête éblouie. Grave, il songeait. L'horreur contemplait la splendeur. Oh, pourquoi la souffrance et pourquoi la laideur? Hélas, le bas empire est couvert d'augustules, les Césars de forfaits, les crapauds de pustules, comme le pré de fleurs et le ciel de soleil.